comprends plus. Man.

Thank you. J'arrive. Back to life, back to the Regardez, je l'ai pas installé. Thank you. Show me who you said what you want from me. Tell me, baby, could be there. C'est quoi ce rip? Il n'est pas un peu rapide? Vas-y. Toi, Bertrand, j'entends pas ta batterie. Bye. Mr. Phil. Solo. Avec un masque aussi. salut, j'étais au Jura. C'est bien passé ? Je m'en fous des mesures, hein. Parce que là, je mets les mesures, il y a 50 mesures. Donc, je commence avec un acoustique. change les mesures ou non? Ça fait sol, après attends, c'est un la mineur. Ça passe pas. Ouais. Words don't come easy. Sur un sol. C'est le sol la première règle. For me to say I love you, words don't